Et on est très content de recevoir Anne-Julie Rollet, Angelica Castello et puis Las Chulas qui sont là pour une discussion autour de, des collaborations avec le premier, la première collaboration entre Anne-Julie Rollet et Angelica Castello autour des échanges magnétiques. Donc, qui est une œuvre qui va être présentée ce soir à l'écoute ou qui va être performée. Ben, déjà, bienvenue, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci. Alors, vous avez un troisième micro ici. Je vous laisse vous en servir. Voilà, vous pouvez tirer. Ouais, puis on va entendre comme ça. Hop là. Et puis, l'interview sera menée en plusieurs langues. Pour pouvoir aussi accueillir toutes les personnes qui sont autour de cette table. Donc on commence avec les échanges magnétiques. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la genèse du projet en général ? Comment est-ce que ça a commencé ? Oui, alors, d'accord. Julie. Ça a démarré pendant le Covid, pendant l'épidémie de Covid, où il y a eu un confinement en France et ailleurs d'ailleurs. C'est sur l'initiative en fait de Jérôme Nottinger qui a fait une proposition qui était liée à cette contrainte énormissime du Covid où on devait rester chez nous, on était extrêmement empêchés et notamment de se rencontrer et de jouer. Et du coup, il a mis en place un protocole avec l'idée d'échanger justement une bande, de s'envoyer une bande via la poste et d'agir sur cette bande pour rester en contact et finalement créer une œuvre collective. Donc, c'est des musiciens, on a été réunis, je vais nommer les musiciens. Il me fait une petite liste, je t'ai oublié. Ah, c'est les premiers. Parce que la pièce, la partie de cette chose assez complexe qu'on va écouter aujourd'hui, on va écouter deux parties des six, en fait. Sept. On a sept parties. Non, parce qu'on est 16 musiciens, puis bon, on va expliquer, Angélie peut expliquer après le protocole qui est très, très, très, très précis. Mais au tout début, c'était plus international. C'était l'idée aussi de connecter les autres pays. Donc, il y avait Marta Saparoli à Berlin, italienne Berlin. Il y avait Sec, italien, musicien italien aussi. J'oubliais aussi encore. Il y a Firda El-Fahiri. Ah oui, c'est ça. Mm. Oui, ça, c'était les premiers. Parce que ça, c'est le troisième échange qu'on montre cette fois-ci, c'est devenu plus la tradition. On n'a plus ces contraintes-là, mais on continue parce que c'était assez le fun de faire. Et c'est très joli. Moi, je dis juste mon avis, mais c'est super joli, super spécial pour un musicien de vraiment composer un collectif avec des personnalités très, très différentes. Ouais. Et c'est aussi l'idée. Il y avait aussi Colin Petit, je crois qu'on ne l'a pas Petit, dit. Colin Petit, oui, c'est vrai. Ouais, on était 10 le premier. Le deuxième aussi, les mêmes 10 personnes, je pense. Et là, on est 6. Et il y avait aussi cette chose de toucher la bande magnétique, de pouvoir... Donc, c'est vraiment l'idée d'agir sur le support, sur l'objet de la bande et de manipuler quelque chose en commun. Mais c'est une manipulation vraiment au sens littéral. Enfin, qu'est-ce que vous entendez par toucher ? C'est-à-dire vraiment travailler avec les doigts sur le support ? Oui. Oui. Ouais, il y a plusieurs techniques. Chacun a ses propres techniques. Mais c'était surtout important de ne pas numériser la bande, de travailler sur l'ordinateur et vraiment travailler sur le dispositif qu'on a chacun, mais sur la bande elle-même. C'était le plus important, en fait. Ouais. Donc, via le Revox B77. Parce qu'on est, du coup, c'est les musiciens avec qui on a travaillé utilisent tous cet instrument. Donc, c'est un magnétophone qui est un instrument aussi, avec lequel on joue. D'accord. Et en fait, est-ce que vous pouvez nous parler justement un petit peu de cet instrument, de ce qu'il a de caractéristiques, peut-être de la raison pour laquelle vous l'avez choisi, Angelica et puis Anne-Julie ? Alors moi, j'ai démarré la musique avec. Mmh. Donc j'ai fait du montage et du mixage. Et c'est... je trouve qu'il y a un rapport au temps avec la bande magnétique qui est différent. Et il y a quelque chose aussi de... Comment dire ? Il n'y a pas de pomme Z, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Il y a quelque chose de la trace de ce qu'on fait qui ne peut pas... on ne peut pas revenir en arrière sur une bande magnétique. C'est un objet, quoi, au sens réel, même si, effectivement, le son fixé sur un ordinateur est aussi un objet sonore. Le son fixé sur la bande magnétique prend une autre dimension. C'est pas du tout en opposition avec la question du numérique. C'est juste que la contrainte du magnétophone amène à une manière de penser la musique différemment. Et je trouve ça intéressant. Oui, moi je trouve qu'avec les bandes magnétiques, moi c'était pas dès le début. Moi j'ai commencé avec des mini Revox parce que j'ai travaillé toute mon électronique toujours avec des cassettes. Et dès la cassette, j'ai monté Revox. Mais de travailler sur un support physique, ça donne genre de... On a l'idée qu'on travaille plus culturellement avec le son que dans une façon digitale, numérique. Mais aussi, c'est le danger. Ben, les contraintes sont... Il y a beaucoup plus de contraintes. Il y a beaucoup plus limité, ce qui est bien. Aussi, ça donne une certaine façon de travailler. Mais c'est aussi le point of no return qui est beau aussi. C'est dangereux. Les machines sont aussi capricieuses. Il y a toujours des surprises avec toutes ces machines qui déjà sont vieilles. Mais aussi, je pense que dès le début, c'était comme ça. Il y a une personnalité assez particulière, chacune de ces machines. Donc, ouais, c'est ça qui est très beau de travailler avec ça. Ouais. Et la question du geste aussi, je rajouterais. Mmh. Parce qu'en fait, avec le magnétophone à bande, on est dans un rapport plus instrumental au sens où le geste agit directement. Et dans ce rapport aussi au geste et au temps, il y a aussi là, dans le processus vraiment spécifique du projet Échange Magnétique, l'envoi postal, le temps que ça prend aussi. Enfin, je ne sais pas si ça a aussi joué, même vous, sur, j'imagine, sur la conceptualisation peut-être de... Des ouais. sons. Moi, ouais, je l'ai perdu. Enfin, c'est pas moi qui l'ai perdu. C'est moi qui t'ai envoyé. Ouais, tu m'as envoyé il a été perdu dans les méandres de la poste. De la voie postale. Ça a été un stress. Oui, parce monstrueux. Que si c'est perdu, à la fin, quand on finissait de travailler, on numérisait. Mais bon, ça aurait été un grand compromis de la remettre sur une bande et tout ça. Ouais, si la bande originale est perdue, c'est quelque chose, oui. Ouais. Aussi. Donc effectivement, ça participe ce temps-là d'attente, de communication avec la personne qui l'envoie. Ça participe beaucoup aussi au processus quoi, de création. Parce que pour le coup, vous communiquiez du coup digitalement, j'imagine peut-être. Ouais. Le double rapport comme ça. Ça oui, on s'envoyait pas des lettres pour se parler. Non, peut-être on aurait pu. On aurait dû, c'est vrai. Ah ça, par exemple, c'était pas dans le protocole. Et du coup, là, quand vous allez faire écouter ce soir, c'est les bandes que vous allez faire écouter elles-mêmes ou vous allez rejouer ? Cette fois-ci, on va écouter deux versions. Donc, le tout début de chacun de ces échanges, c'était nous, on envoyait... Donc, c'est quand même un mélange. Il y a quand même... C'est pas qu'on n'est pas super, super orthodoxe. Je veux dire... têteux, comme on dit en québécois. Mais on a envoyé des archives, des samples, chacun de nous, à Jérôme. Et lui, il faisait un mélange un peu aléatoire de toutes ces choses-là. Aussi, les samples très, très, très précis, avec un protocole très, très, très précis. Et donc, ça faisait un genre de composition aléatoire sur la bande. Et sur ce son-là... Non, la première était même silencieuse. Cette fois-ci, la bande était... Alors, cette fois-ci, ouais, le protocole, c'était 5 minutes chacun. Donc, on est 6. On a envoyé 5 minutes. Dans les 5 minutes, il fallait qu'il y ait des objets sonores de courte durée, une séquence de jeu, un événement anecdotique. Enfin, il y avait des types de sons, du silence également. Et lui, Jérôme, du coup, après, il faisait un montage de tous les sons, donc des 5 minutes, voici des 30 minutes qu'on lui avait envoyés, de manière aléatoire. Il a utilisé, je ne sais pas quel... Le logiciel X, Et donc, il a monté sur la bande tous les sons. Et ensuite, c'était la première... donc, c'est la première version qu'on va écouter ce soir. C'est le montage de tous ces sons. Et ensuite, donc, il y a eu un pareil. Ça a été tiré au sort. On a tiré au sort les passages. Donc, il l'a envoyé. Puis voilà, elle est passée. Et on écoutera aussi la dernière version. Ouais. Qui a été faite par Anthony Laguerre. Anthony Laguerre, ouais. Ok, trop beau. Bah, merci. On va déjà, je vais lancer un extrait pour entendre, illustrer un peu là ce que vous venez de nous expliquer. Et je pense qu'après, on va pouvoir... on va ouvrir la discussion. Ouvrir la discussion à Las Chulas. Hop, je vais laisser encore un peu en fond et remontez vos micros. Parce qu'il y a donc Angelica, Anjulie, vous étiez en train de vous étonner des propres sons qu'on vient d'entendre avant de passer à Las Chulas au reste du collectif pour vous dire rajouter quelque chose. Et, oui, j'avais envie de rajouter que cette expérience est extrêmement intéressante pour aussi sa dimension collective et cette idée que ça ne nous appartient pas, l'œuvre ne nous appartient pas. En fait, on se met dans une position où on décide que voilà, on donne à nos sons notre manière de faire, on la partage, voilà, sans jouer ensemble, mais il y a quelque chose comme ça de très collectif. Ouais, ça a quelque chose un petit peu d'un petit Frankenstein qu'on a fait tout le monde ensemble, mais c'est un être vivant de lui-même, donc et un peu indomptable. Ouais. Merci en tout cas. Bah, merci beaucoup. Et on continue avec bah, du coup un autre collectif. Collectif qui est that is still the same collective or another collective with Angelica Castello, but this time we are happy to welcome Lorena Morena Vera, Natalia Dominguez Rangel and Lucia Simon Medina. Is it correct? So welcome. You can take the microphones, and yeah, we were talking about collective projects, and Angelica will be presenting tonight this project called Échange Magnétique, and you presented yesterday a performance, and you also have an installation. Could you maybe tell us a bit about this collective project and the process, how you came together working on this project? Maybe Lorena she's the mother of Las Chulas, more or less. Yeah. Oh, and maybe first, could you tell us what Las Chulas means and why you chose this name? Maybe, yeah, because it's a very nice story. And I mean, maybe tuck in the microphone. Yeah. Ouais. Non, la chula, ça veut dire les belles, the beautiful ones, because chula in Spanish in all our countries, which is because sometimes we have very different, like Lucia is from Spain, Natalia is from Colombia, and Lorena and me are from Mexico, so we have some things very different words, but chula, it's international, it's a beautiful woman, but it's not because we're narcissistic. It's because we live all in Vienna, and we were working on breathing. Lorena will explain a bit more deep about the concept, because it's more her idea at the very beginning. But we had we were playing with the idea of the word Atemschule, which is the school of breathing. Atemschule. In German. And then we were playing with the word, like Atemschule, Atemschulas, Atemschulas, Las Atemschulas, and then it became Chulas, and we were laughing. So we kept it with this kind of a game with many other things too, but yeah, that's more or less why we call it like this. Yes, exactly. So Las Chulas and of Breath and Sound stems from a broader research about breathing as a sonorous act and as a narrative means. So I'm a curator, so I knew all of them from separate situations, and I thought of that their work would be akin to this project. So of course, on one hand, like I started delving into this idea of breathing before the pandemics, but of course in the pandemics it took a different dimension, as so as collaboration and being like in proximity to each other and do things together. So then the first idea was like, I mean, inviting them, and then was like, okay, you can do either a piece separately, like each one does one thing, or you do something all together. But of course, like it started very organically, so I was even included in the mix. And it's also, for me, from a curatorial point of view, it's also quite interesting, because it's like how you deepen into the artistic practice, and like also blurring a little bit these borders between like, okay, I just delivered this research or this framework or so on, and rather like be part of it and exchange it. But of course, like I'm lacking this practice or this expertise on how to actually make it. But it's also quite joyful to learn a lot and like get involved into this practice. You want to add something? I think you said it quite good. You explained it quite well. So. Yeah, so, but you want to say yeah, something? So, but the beautiful thing is also that closer. We all had our own voice, so there's not really like the proper way, but we can all add, and it's always very open, no? So, and we have fun with that also. So there's no a main rule or something, so it comes with an idea, and that idea keeps on transforming, and there's a lot of freedom also. So yeah, and nice. I think it's also important and akin to what Angelica mentioned. I mean, like name itself, it's quite playful. Like the processes are quite playful, even though like it's also quite research oriented and you know, like thorough and so on. But there's a lot of playfulness within it, and this is because we did another project in Santander and that dealt about the fishing activity in that area of Cantabria, but not only just the fishing, but also what it meant in relation to climate and so on and so on, and the activities and the female figure within this activity. So, of course, on one hand, you have to be like quite precise and, like taking this seriously. But at the same time, also the interaction with these other characters, like it's also like on one hand taking them very serious, but on the other hand also like letting this playfulness be part of it. So I think this is like a key feature within our work, and maybe you saw it also yesterday that we throw some inside jokes within, I mean, like during the performance and so on, but they blend into with the rest of the different sounds that are at play. So I think this is also something quite important in our work. Yeah, and it's like the dynamic of the group also. Yeah. Mm-hmm. Yeah, that's what I wanted also to ask, because it's not that easy to bring this playfulness in into the sound when you are just meeting only for the sound moment or for the performance. Because just to remind for the person that were not there yesterday, there is like this huge table. You're all around. It's a bit like a big meal or feast kind of. And you're all around with each one of you, your type of instruments, which can be the language or the drawing or the breath and electronics and flutes, kind of different kind. Yeah. And it's also beautiful to see also like the navigation, meanwhile, your collective. So I wanted to ask also, apart from this moment, how do you bring this playfulness? Also, do you meet? Do you have also other type of activities apart from the performative? Maybe moments, say just very shortly, like for the people who don't, we're not there as well, like we have really different backgrounds. Like Natalia Dominguez is a sound artist, composer, and as well visual artist, very active. Lucia is a visual artist, painter, drawer, how you say, yeah. And Lorena, she said she's a curator in writing, researching. And I'm a sound artist, composer, flutist, yeah. So all this is not in a normal, I mean, it's really quite a kind of a very lucky situation that it works so well, because it's not meant to be. It's not so easy. And I think it has to do, and maybe the playfulness had to do with the, what unifies this is a big curiosity to learn, to be open about the other process of working. And admiring a lot the work of each of, I mean, I am very fascinated by all three colleagues. So, I mean, it's very inspiring. So, and the, maybe the playfulness, some, I mean, there is something cultural, which we're, yeah, very, yeah, it's a cultural thing, very funny situations, very childish sometimes. And the language also. The Spanish. Language. It's my first project. I mean, I'm 52. First project in only Spanish, which is because I have been immigrating all my life. So it's a kind of a big joy to share the language and some cultural issues which are belong. We have similarities, a lot of similarities. So that's, I never thought this would be a part of an artistic process, but it is somehow, it helps a lot, yeah. And regarding also the research that are behind, because it's also not very common in this type of work to have I understood like the first brick, starting, the first the start, point. The very start. The starting point, yeah, is it's always research. The research. Yeah, yeah. Can you tell us a bit about this, like this first? Well, it's the way research? We communicate, like sharing our thoughts and yeah, our interests. Like what Angelica said, that we are all very curious, so we like to read and to research, and this is how we start. And somehow it's just a conversation that, because we are all practitioners, it develops into something physical. But yeah, I think, I mean, she is the main researcher, but we all do research in our practice, so it's very normal to us. It's very natural that we start with research and then it develops into something else. But, I mean, it's also like the topics that we choose, they are quite serious somehow, but how do you express them artistically? So we bring a lot of other aspects of language into it. And in this research you're building together through projects, is the sound something that is always important, or are you also working on different features, maybe with more visual or drawing aspects than sound? Sound is always the main the main language that we, yeah, like the main glue somehow. I mean, Angelica being a sound artist and a composer, I also have this background, even though I'm also working with sculpture, and Lucia has been working with graphic score, drawing, and so there was a certain connection, and that's why Lorena, she's been always also interested on researching exactly that side. Yeah, but I think all three things. I think the language, the word, the research, the inhalt, I forgot, content. The context, thank you. And the sound, but as well the visual part is because especially Natalia and Lucia, they're so visual. This should look beautiful as well. So it's like I think all things I couldn't imagine we will do only sound. Even no, and also it's not just sound, it's installations, what we do. Yeah. Like we always think of the space. I mean, like performances are not our main practice, no? Yeah. It's more installation. Yeah. And that's why the visual is also very important, as well as the sound. And you were, sorry, no, no. No, no, I just wanted to add something like regarding the Inhalt, because this is also quite important that we sway in 3-4 languages daily. So this is also a very important component in our practice. And that's why like our scores are like in Spanish, of course, mainly, but also lots of English, German, a bit French and so on. So this is also quite important. And yeah, that was maybe my next question. You are working with different languages or in working in different language environments, but you chose breathing. Is it a way to escape from these different environments, or is there something idiomatic in Spanish about breathing? Nice question. Yeah. Well, I mean, I come from a family of physicians. So for me, physiological and anatomical parts are quite interesting. So, and how to approach them from a different point of view, not just like this scientific cut, but like how to be playful with it. So that's why I was delving into this idea, but also I was realizing that, for example, in English, there are so many, not so many words to refer about breathing or breath, or like in Spanish, for example, no? Or so it's also quite interesting, like how many words or like, and what do they represent or what do they enact in these different languages, which also are like these worldviews and these represent image representations of it. So, and it's like, okay, breathing as this primary act of existence, because without breathing, you simply cannot exist. And this is also this exchange with other beings and not other beings in the present, but it's also like you're breathing like remains of air that were exhaled by beings that are no longer existent. And also like how to enunciate all these activities that entail this breathing or that have these like different sonorities about breathing, like coughing or panting or sobbing or so on. I mean, even singing it. And so this is also like how to explore breathing and how to narrate it. Yeah. I really recommend to read the work Lorena did about this. It's really, as well, this about the different colors of breathing, it just opens your mind in a very nice ways. I think it's online, no? No, but I can share writer, it. Writer email. So thank you very much. Thank you. On va passer un petit extrait encore. Et ça me permettra de transitionner vers la suite. Thank you. Et voilà, c'était un extrait du collectif Las Chulas qu'on a pu donc écouter et voir performer hier après-midi et que l'on peut entendre tous les jours, qui ont fait donc une installation dans les escaliers de la salle communale de Plainpalais. Donc on vous encourage vivement à venir écouter.